Ben, il me semblait tantôt te parler qu'il y avait un jeu sur les genres qui revenait plus tard, mettons au volume 10. Là. Je pense que c'est à peu près au moment où est-ce qu'on est rendu. Ouais, c'est ça, c'est que il y a une multiplicité de genres dans les mangas et entre Punpun et Aiko, ils finissent par avoir des relations sexuelles. Et je pense que Inio Asano aborde une certaine esthétique de romans, de manga érotique, en présentant soit certains phylactères qui représentent les respirations, les gémissements, certaines postures que les personnages peuvent prendre. T'avais quelque chose à dire? Je parlais des détails tantôt qui commencent à être des personnages, des petits oiseaux. Si on regarde, on leur accorde des très gros plans sur les mains, les yeux. Et là aussi sur son pénis, Ouais. on le voit de très près, puis il y a une Ah forme oui, particulière. c'est pas loin d'être explicite. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même assez imagé et flou que ça reste dans l'acceptable non pornographique. C'est aussi non pornographique dans le sens que les relations sexuelles que ces personnages-là ont, surtout celles entre Punpun et Aiko, qui seraient supposées être quelque chose de bien, genre, comme une retrouvaille entre eux autres. Mais c'est en fait quelque chose de malsain qui est en train de se passer. C'est l'aboutissement d'une obsession qui dure depuis, à ce moment-là, 7 à 8 ans. Et c'est jamais érotique. Tu regardes jamais ça de manière convenue. C'est jamais titillant. C'est toujours dérangeant. Ça a déjà été le cas dans certaines séquences qui justement flirtaient avec le viol, c'est-à-dire qu'on était dans des épisodes où une certaine violence est définitivement au rendez-vous. On sent qu'ils se font un peu de mal en ce moment-là. Exactement. C'est vraiment le début d'une relation absolument toxique entre ces deux-là. C'est ça. Et à ce moment-là aussi, on se rend compte que les deux se mentaient en fait. Oui, ils vont se révéler l'un à l'autre, dans le fond, très clairement que tous deux étaient en train de se conter des histoires. C'est ça. Donc, il y a comme une mise à niveau, une franchise qui a lieu, mais qui accompagne ce moment de sentiments mêlés, C'est ça qu'on remarque, et aussi, ces deux personnages-là, Aiko et Punpun, ont une parenté entre eux autres. là. Ouais, c'est Ils ont ça. tous les deux, premièrement, les deux mentent pour avoir la personne normale et balancée. Les deux, on le sait pas exactement pour Aiko, mais les deux sont déçus par rapport à l'autre, parce qu'ils présentent, parce que c'est devenu juste des personnes ordinaires, faussement ordinaires. Et c'est juste indicateur du fait que ces personnages-là, ils ont pas eu le support qu'ils avaient besoin. C'est une fois qu'on se rend compte que ben, c'est pas des personnes normales. Parce qu'il faut le dire, on a vu la mère d'Aiko dans les premiers volumes lors de l'enfance. On a vu que c'était essentiellement une représentante d'une secte qui vend des produits se voulant miracle et qu'elle trimballait sa fille avec elle. Et puis que c'est pas nécessairement quelque chose de. C'est-à-dire, elle s'abandonne dans ça, possiblement au profit de n'importe quelle autre pratique positive, implication positive dans la société. C'est aussi une des raisons pour le désir de fuite de Aiko qui est Tout à fait. manifesté dès le début Ouais. quand elle veut aller voir son oncle à Ouais. Kagoshima. Ouais. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui se passent. Oui, il y a Nanju Sachi qui est essentiellement la fréquentation principale de Punpun qui tombe enceinte. Et on va passer vite sur ce. En fait, on va passer très très vite sur la façon dont il reçoit ça, mais c'est sûr que dans sa difficulté de s'engager dans des choses et son manque de courage et ses anxiétés, c'est un élément qui provoque le désir d'éloignement de Punpun. Il a peur de ça, il n'a pas le courage. Et puis, il décide de continuer de fréquenter Aiko. On dirait qu'il décide de se laisser une chance ou de voir où c'est que ça va s'en aller. Et puis, il se rend justement chez la mère d'Aiko. Comme, hey, je vais te présenter mon nouveau copain. Non, en fait, Non? c'est pas tout à fait ça qui se Non, ok. passe. Non, non, non. Ils finissent de baiser ensemble. Ah oui, C'est la une mère. scène qui, finalement, est amère et violente parce que on se rend compte que Aiko n'avait jamais une relation Ah sexuelle. bon, d'accord. Il y a du sang qui est en jeu. Ouais. Tu parlais d'une certaine violence. C'est ça. Une certaine douleur. C'est ça. Elle lui demande, après ça, après cette scène-là, elle lui demande « Est-ce que tu m'aimes? » Poun Poun lui dit « Je t'aime. » Donc elle lui répond « Alors moi aussi, je t'aime. Ouais. » C'est comme conditionnel. Ce qui est une référence directe à la même question qu'elle lui avait posée quand quand il était enfant. Plus jeune. Sauf avec de manière plus tordue. Ouais. Rendu là, ils ont tous les deux leur presque permis de conduire. Elle a son permis de conduire, lui va l'avoir bientôt. Ils décident d'aller vers la fuite. Mm-hmm. Mais ce qui est catalyseur de la fuite, c'est que la mère d'Aiko survient sur les lieux. Et puis, elle se retrouve. Elle démontre son caractère très. Disons, pas très positif à l'égard d'Aiko, son côté, son exploitation psychologique, sa violence psychologique. Et elle se retrouve assassinée. Assassinée par, on s'imagine, Poun Poun à ce moment-là. C'est ça. Donc, moi j'ai... Moment de choc, moment de traumatisme. Moment de traumatisme, effectivement. Par la suite... Poun Poun et Aiko décident de prendre fuite. Oui, ça semble être la seule chose à faire, c'est-à-dire dans ce moment d'abandon complet, de détresse. On y va. Aiko a été blessé, il faut dire. Oui, un coup de couteau au flanc. Oui. Ce qui va l'affecter pendant tout le restant de la série. Ça. Juste faire une petite mention, j'ai lu beaucoup de critiques qui disent que pourquoi ils sont juste pas allés à la police, c'est comme c'est irréaliste qu'ils décident de faire la fuite, etc. etc. Mais je pense que c'est comme un coup passé à côté du but. Tout à fait. T'as l'idée que ce que ces personnages-là ressentent, veulent, c'est juste se sauver. Là, ils ont une bonne excuse pour se sauver. Très bonne excuse, ouais, c'est ça. C'est jamais rationnel rendu là. Il y a un élément criminel et il y a un élément de. Peut-être que Aiko va succomber à sa blessure si elle fuit assez loin au point de refuser les soins, quoi que ce soit. Et puis donc, c'est le début d'une longue errance pleine de tristesse, de confusion, puis d'absence de perspective complète. De violence. De violence aussi. Entre les deux, ils se commettent des violences physiques, des menaces de mort sur le plan de sur le bord de la mer. Et puis... Ils se formulent des scénarios, on va vivre sur une île, on va aller loin. Je pense qu'il faut mentionner que quand on parle de relations amoureuses, être avec une personne qu'on aime, on s'imagine que pour Aiko, parce qu'on a des éléments de son background, c'est tout présenté de manière anecdotique, mais si tu y portes attention, tu découvres qu'en fait c'est un enfant abandonné. Mm-hmm. Ouais. Elle ne sait pas comment être aimée. Et si on a bien sûr porté attention à la vie familiale de Poun Poun, Poun Poun ne sait pas comment aimer parce qu'il vient d'une famille où soit que sa mère était froide envers lui ou soit que son père potentiellement commettait des violences conjugales parce qu'au moment de la fameuse scène au début, il y a un petit encadré qui dit Poun Poun est habitué à ce genre de situation-là. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. On a deux personnages terriblement brisés. Blessés. Qui ont juste pas les outils pour essayer de vivre de manière saine avec ce qu'ils ont présentement. On a un moment de révélation où essentiellement, Aiko révèle à Poun Poun que c'est pas lui qui est responsable de la mort de sa mère, de l'assassinat de la mère d'Aiko. C'est elle-même qui a donné le coup de grâce. Ce qui, momentanément, semble... altérer la perspective de Poun Poun, qui semble plus autant peut-être vouloir mourir lui-même et entraîner Aiko avec lui. Mais à la limite, c'est quasiment pas important parce que la blessure avec laquelle ils vivent, qu'ils portent depuis tant d'années, tous deux, l'emporte un peu sur cet épisode de violence-là, isolé, si on veut. Les deux, peu importe ce qui se passe, ils vont juste fuir jusqu'au bout. C'est ça. Ni l'un ni l'autre semble très intéressé à revenir sur Terre, dans le fond. Mmh. C'est ça. Et puis, c'est ça, Aiko est en train de se vider de son sang, tranquillement. Tranquillement, mais ça prend... C'est pas réaliste. Non, c'est ça. Parce que c'est une plaie qui dure depuis probablement plusieurs semaines, rendu là. C'est ça, il y a un élément peut-être... C'est dur d'y croire, presque, là, c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même... c'est symbolique de l'espèce de comme relation toxique qu'ils ont entre ces deux-là. Saignante. Qui la ronge, elle, en particulier, de l'intérieur. Ouais. À un moment donné, ben, ils s'endorment. Puis le matin vient. Et puis, Aiko s'est pendu. C'est un peu simple comme ça. C'est pas très drôle, mais Poon Poon découvre sa... L'objet, je vais pas employer son amoureuse, je vais dire l'objet de son obsession pendant tant d'années. L'objet de son désir. L'objet de son désir et de son obsession. Pendu au bout d'une corde. Et puis là, sa réaction va être intéressante, je pense, mais peut-être moi j'emploie le mot intéressant, toi tu aurais peut-être autre chose à dire. Ouais, non, c'est... je trouve... On veut dire intéressant aussi, indicateur un peu de sa folie, sa perte de perspective. Ouais. Il fait juste partir avec, continuer son chemin. Il lui parle. Ouais. Il s'invente des histoires avec elle, comme il faisait quand il était plus jeune, avec d'autres filles qui le regardaient. Ah. Notre vie... Comment elle va être, on est en train de se sauver, etc. Il dit toutes sortes de choses qu'il aurait juste pas dites en personne. Ou il les pense, là, mais ça revient au fait qu'il parle au corps mort de l'être qu'il pensait aimer, en tout cas. Ouais. C'est pas le moment qui m'a le plus affecté dans la série, mais c'est terriblement déchirant quand même. Puis, après avoir lu les derniers chapitres, en y revenant, c'est difficile de pas vouloir pleurer quand on voit cette espèce de... Mais tu dis des choses qu'il n'y aurait pas dit. Ce genre de dévouement étrange. Et il lui lave le visage. Ouais. Il change sa robe. Une sorte de... Des gestes d'affection, dans le fond. Qu'il aurait probablement pas su comment commettre réellement, dans le fond. Mais en fait... C'est encore drôle parce que moi je pense que l'aveu du fait que Aiko avoue avoir elle-même tué sa mère provoque ce changement-là. Ouais. Ça aurait peut-être pu se passer si Aiko avait décidé de rester en vie. Ouais, c'est ça. Finalement, le corps de Aiko disparaît, emporté potentiellement par une ambulance. Ouais. Pendant que Poon Poon n'est pas là. Ouais. Puis il va revenir à la ville. Il va revenir à l'usine. À l'usine où ils ont eu des événements marquants en tant qu'enfant. Puis il va décider, j'ai parlé de Dieu tantôt qui lui apparaissait, qui continuait de lui apparaître de façon mesquine. Il va décider de mettre fin, d'assassiner Dieu en s'enfonçant un couteau dans l'œil. Un peu comme l'image d'un genre de Fight Club, en fait. Ouais, c'est ça. Et on pourrait penser que ça va être la fin pour lui à ce moment-là. Ce qui accompagne ça, c'est un peu l'aboutissement du... On parlait du personnage de Pegasus qui était étrange tantôt. Donc l'aboutissement de la secte pour sauver l'humanité. Il semble avoir un événement cosmique qui se produit. Et donc il les emporte tous dans la mort, je pense. Ouais, ouais. Mais si on se fie au dire de l'auteur, il semble avoir réellement... Oui, ils ont réellement fait de quoi d'après lui. Fait quelque chose. Mais c'est au réel prix de leur vie. Ouais, c'est ça. Un autre moment de grâce, vu que le moment où Poon Poon s'enfonce un couteau dans l'œil, c'est le jour du Thanabata. Ouais. La même journée qu'il y a, à ce moment-là, c'est 7-8 ans, où ils ont été à l'usine, où ils ont eu un feu, où ils ont vu potentiellement la Voie lactée, où ils ont vu l'étoile filante passer à travers le ciel. Comme un moment de... Synergie. De convergence. De synchronicité, ouais, convergence. Apocalyptique. Et... Évité par le sacrifice de belles âmes un peu perdues. En même temps, Nanju, elle aussi, veut retourner à cet endroit-là, l'usine, pour revoir elle aussi qui était présente d'une certaine manière à l'usine, pour revoir la Voie lactée. Parce que pendant ce temps-là, elle était à la recherche de Poon Poon. Ouais. Qui commençait à lui manquer un petit peu. Elle sentait de la responsabilité envers Poon Poon. Pas par amour, mais parce qu'elle est consciente de la vulnérabilité de cet être-là. Elle sent le besoin de devoir s'occuper de lui, d'une certaine façon, autant qu'elle peut. Pendant les chapitres d'errance, d'ailleurs, de Poon Poon et Aiko, Nanju retrace tout le passé de Poon Poon pour essayer de voir où est-ce qu'il est rendu peut-être. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, tout le monde estime Poon Poon de manière assez positive. Mm-hmm. Contrairement à l'image que lui-même avait de sa personne. Ouais, c'est ça. Ah, un bon garçon tranquille, qui est à son affaire, qui est un peu éperdu, mais c'est pas grave. C'est une bonne personne pareil, puis aidant, etc. Ça remet la chose en perspective, en fond. Son personnage entier. Parce que durant toute la série, on est en contact intime avec son inconscience, ses pensées. Sa noirceur. Là, ça nous rend. Nous-mêmes, on fait comme. Finalement, tu sais. Ses actes dans la vie de tous les jours étaient pas. En général, il y a des actes assez sombres, ouais. Mais les gens ne voient pas nécessairement cette noirceur-là qui l'habite. Je pense que c'est un point central de la série où, potentiellement, cette noirceur-là habite un peu tout le monde. Oui, tout à fait. On l'a vu alors qu'il accordait du temps à plusieurs personnages. Mmh. C'est définitivement ce qui permet de croire que c'est le propos du récit. On le voit aussi dans les deux derniers chapitres, mais on va y arriver. Ouais. Donc, au moment où Poon Poon finalement abandonne... Il décide de se coucher. Oui. Il se dit à lui-même bonne nuit. Oui. Nanju apparaît. Et vient à son secours, dans le fond. Au bon moment. Un secours qu'il voulait peut-être pas, oui. Mais auquel il peut juste pas s'empêcher d'être pris par. Oui, il est comme pratiquement pris au piège, en fait. Oui. Quand les mots de Nanju, c'est gotcha. Oui. Les propos de l'auteur à propos de ça, c'est que. Mourir, c'est plus facile que vivre. Ouais. Et donc, on l'a déjà dit, il y avait une volonté de subversion à travers ce récit-là, de commencer par quelque chose d'assez mignon et léger et de virer dans quelque chose de beaucoup plus lourd. Et il se retrouve aussi à subvertir le désir même du personnage qui était peut-être juste de disparaître. Il lui retire cette satisfaction-là. Et ça reste ouvert à l'interprétation, savoir si c'est vraiment quelque chose de négatif que Poon Poon soit sauvé de la mort. Mm-hmm. Mais justement, on va arriver au chapitre de conclusion qui nous permet de faire notre lecture de ça. On le voit qu'il s'adresse, dans le fond, à son souvenir de Aiko, pratiquement. En fait, ouais, c'est ça. Moi, j'ai on a parlé avant de commencer à enregistrer. Et je sais pas si on a mentionné le concept du Tenabata, qui est une fête qui parle de deux genres entités célestes, la Tisrande et le gars qui avait des vaches. Ouais. Je sais pas comment dire. Le berger de vaches. Le berger de vaches, le cowherder. Ouais. Est-ce que c'est moche d'avoir. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ouais, c'est ça. Deux personnes qui sont deux amoureux qui ne peuvent se voir à part, sauf une journée spécifique, la septième journée du septième mois. Qui au Japon, c'est la journée du Tenabata. L'auteur lui-même projette ces personnages célestes-là sur les deux personnages principaux de la série, Aiko et Poon Poon. Il faut le dire, au moment de l'assassinat de la mère d'Aiko, Poon Poon prend la forme essentiellement de ce qui ressemble à un diable. Oui. Tout noir avec des cornes, qui s'avère en fait être la représentation de la figure céleste dont tu parles, mais l'impression que ça donne, c'est qu'il devient comme l'incarnation du mal. Exactement. C'est très très inquiétant. Et soudainement aussi, il y a un corps entier. Mm-hmm. Il n'est plus dessiné comme étant un petit oiseau. Il y a juste un corps de jeune homme entier avec cette tête effrayante. Une tête totalement noire, assez longue, ouais. Pourvue de cornes. C'est ça. Donc, l'histoire est un peu campée dans cette espèce de mythe-là. Si on y porte attention, moi j'étais curieux de savoir c'était quoi le Tenabata, pourquoi c'était si central au récit. J'étais allé voir, juste tu recherches Wikipédia, t'as la clé, t'as une des clés du récit. Puis en fait, au chapitre 145, Poon Poon s'adresse à Aiko. Est-ce qu'il s'adresse à sa mémoire de Aiko? Est-ce qu'il s'adresse à une réelle visitation, un fantôme? Ou à cette personne... personnalité, ce personnage céleste-là qu'il voit de l'autre côté de la Voie lactée. Et moi, ce chapitre-là, je le trouve tellement triste. Parce que c'est comme le point culminant, encore une fois. Il y a beaucoup de culminations dans cette affaire-là. Ouais. Mais le point culminant de le concept du mensonge, qui est comme un autre point central de la relation de Aiko et de Poon Poon. Parce que, tu sais, elle lui demande constamment, tu ne me mentirais pas. Évidemment, il lui ment tout le temps, malgré lui. Mm-hmm. La dernier vœu de Aiko, c'était qu'il pense à elle le jour du Tanabata. Ce qui est très indicateur de cette espèce d'aspect mythique-là. Ouais. Et à ce moment-là, il y a de la misère à se souvenir de son visage. Il ne sait plus si la voix qu'il entend, c'est encore sa voix. Ta voix semble frêle maintenant, mais peut-être qu'elle était toujours comme ça. Et là, il y a comme un espèce de changement. Pour la première fois du récit, Poon Poon parle à travers du phylactère. Et Aiko pose des questions, en fait deux questions, à travers des cases. Dont une, c'est « Tu ne me mentirais pas ». À ce moment-là, à travers les phylactères, Poon Poon lui dit clairement « Je m'excuse d'être un menteur. » Mais je pourrais pas être, je pense pas pouvoir voir les étoiles le jour du Tanabata. Je pense que le ciel va être nuageux pour toutes les autres Tanabata qui s'en suivent. Ce qui est en fait un rejet, un abandon de cette promesse-là et de cette mémoire-là, cette personne-là qui a tant affecté sa vie, qu'on aurait voulu qu'il fasse bien. Parce que dans toutes les affaires mauvaises qui se passent, on a vu le film The Square, là. Ouais. Quand on regarde The Square, il y a plusieurs éléments qu'on peut se demander est-ce qu'on aurait fait pareil. Ouais. À travers Poon Poon, on peut faire les mêmes choses. On est toujours confronté avec cette réalité-là. Comment qu'on aurait agi? Le courage que ça prend pour faire la chose qu'on considère juste. T'sais. Quand on est en retrait, on peut penser que ça a l'air facile, de juste faire des choix évidents. Mais... C'est ça, puis c'est cet adieu-là qui me touche tellement. Je sais pas comment le dire, mais l'abandon de la mémoire. Ben, elle commence déjà à s'effriter. Mmh. Moi, je t'avoue, j'ai dû le lire dans une certaine urgence, donc c'est nécessairement à une seconde lecture que je vais probablement mieux saisir l'émotion que tu y vois, mais il y a un aboutissement d'un parcours parsemé de difficultés, puis qui est encore là. Conserve la vérité dont tu as parlé tantôt. Tu as parlé de candeur, tu as parlé de frontalité avec laquelle la douleur est abordée. Mais là, c'est encore là, juste à un degré d'intensité un peu plus élevé, si on veut. Là. Ouais. Mais c'est tout. En tout cas, les émotions de ce chapitre-là sont toutes, pour moi, très vraies. Mm-hmm. Il y a plusieurs aspects du chapitre aussi qu'on pourrait parler, mais c'est vraiment. La page, je pense que c'est page 14-15. Hein, c'est à chaque fois que je lis cette page-là. Mais bref, le temps avance. Ben, moi, je vais clore avec... Il y a quand même deux chapitres en compte. Oui, c'est ça. Je voulais me diriger vers les chapitres qui... Chapitres 146 et 147 sont du point de vue de Harumi. Qui était un ami d'enfance de Poon Poon. Ouais. Qui subitement revient dans le paysage. Mm-hmm. Après avoir été complètement absent. Ben, non, il n'est pas complètement absent, il est là quand la mère est à l'hôpital. En fait. Bon, voilà. Mais... Fait qu'on le voit lui dans son quotidien un petit peu. On se demande un peu où ça s'en va. Ça a l'air d'être un gars parfaitement normal. Et il croise Poon Poon par hasard sur la rue, si je ne me trompe pas, qui est accompagné de son oncle, de Nanju Sachi, qui. Non, il n'est pas accompagné de son oncle. Il est accompagné de Nanju. Ah, oui, non, c'est ça. Nanju, qui la fille de Nanju. Qui a eu un petit bébé. Le manager, l'ami de Nanju, et Mimura, puis Gasumi. C'est. Mimura, qui est comme son ami. Essentiellement, il est entouré de sa communauté. Ben, sa famille. C'est sa famille. Puis c'est des gens qui aiment Poon Poon. Exactement. Mais. Poon Poon, en lui envoyant la main. Oui. En fait, il y a une discussion. Je pense que ça serait. Je sais pas si on. Devrait comme en parler nécessairement. Mais une des dernières images avant de terminer le récit, c'est Poon Poon qui, de l'autre bord de la rue, envoie la main à Harumi. Ouais. Il est en train de pleurer. Mm-hmm. Poon Poon a les larmes aux yeux. C'est une image abstraite. Ouais. Un peu abstraite, je veux dire ambiguë, mm-hmm. mais aussi abstraite parce que il est revenu à sa forme d'oiseau. Oui. Et. La façon dont Harumi devait le voir étant petit. Ouais. Ben, on peut le dire. Ouais, mais c'est en fait de la façon dont Nanju le dessine. Ouais, ouais, c'est ça. Mais on se demande si il est-il encore seul? Est-ce qu'il est encore plus seul qu'il l'était qu'avant? Ça, c'est effectivement les propos de l'auteur aussi par rapport à sa propre chose. Je disais tantôt, il lui a arraché la conclusion qu'il souhaitait avoir. Mais c'est difficile pour moi de... C'est possible que ce soit ça, la bonne lecture à avoir. C'est difficile pour moi de l'endosser parce que c'est le moment où j'ai craqué. Parce que pour moi, ce moment-là symbolise le fait que Poun Poun, il s'en est sorti, il est encore là. Puis aussi, ce qui a été dit dans le chapitre, c'est que Nanju promet d'être patiente avec Poun Poun au fil de sa reconstruction. Elle est consciente qu'il a vécu des choses très très très difficiles. Mais elle s'engage envers lui, puis elle va prendre soin de lui. Ouais. Mais il y a quelque chose de... Quand tu relis le chapitre 145, quand il parle au fantôme de Aiko, il mentionne, tu sais, que... Je comprends ça. Ouais. Il voudrait peut-être pas continuer. Non, c'est pas qu'il veut pas continuer. Non, c'est pire que ça. C'est qu'il s'abandonne aux aléas de la vie. Il va juste la vivre comme... Il va vivre la vie comme elle se pointe, comme elle se manifeste devant lui. Puis quand va venir le temps de disparaître, tout ce qu'il veut, c'est disparaître comme une bulle. Puis personne ne se souvienne de lui. Il s'abandonne à son sort, en fait. Je dirais que la façon de réconcilier cet élément-là, avec la lecture potentiellement erronée que j'en ai faite, c'est de me dire que c'est... Non, il n'est pas erroné. Non, c'est de me dire que c'est le moment, c'est la façon dont il se sent à ce moment-là. Puis on verra ensuite ce que ça devient. Ouais, mais c'est juste il n'y a pas de suite. Non, je sais. Mais c'est que c'est quand même symbolique, ça symbolise quand même la survie, puis la continuité. Puis... ce qui est nécessaire, de mon point de vue, qui essaye de trouver de la lumière, une victoire en soi. Ouais, mais moi je prends le point de vue t'es du espèce de récit cosmique. Oui. Mythique. Ces deux entités-là qui sont incapables de se voir. Pour moi, ça prend c'est une figure tragique. Ben oui. ça, c'est un des deux chapitres de conclusion. Ouais. Le vrai, réel chapitre de conclusion étant un chapitre qui se déroule à l'école primaire, avec des nouveaux enfants, avec potentiellement des nouveaux enseignants, ou quelqu'un qui commence... Il y a des interactions entre du personnel d'enseignant, des interactions entre des enfants. Puis on a juste l'impression que la boucle va se répéter potentiellement avec de nouveaux personnages, puis que la vie continue qu'à travers ces mêmes environnements-là, il y a chacun de ces individus-là va devenir sa propre boule de noirceur et de problèmes. Ouais. Ah, ben parce que... Il y a juste quelques choses qu'il faut mentionner. Oui. Yuichi a un enfant. Oui. Une jeune fille. Midori accouche la journée où Poun Poun se crisse un couteau dans l'œil. Oui. Et... Quand il voit son enfant, qu'ils ont décidé d'appeler Espoir, parce que c'est un compromis finalement, il est atterré de voir qu'elle lui ressemble. Puis dans les yeux de sa fille, on voit la manifestation du dieu de Poun Poun. Eh oui. Donc l'espèce de continuité, dans l'idée aussi que la noirceur qui les habite est familiale. Oui, on a parlé d'hérédité tout à l'heure, puis d'entourage, c'est ça. Donc, il y a ça qui va se répéter, mais aussi d'autres choses qui vont juste se répéter de façon peut-être moins catastrophique. Puis... Rien qu'il dit, donc, mais il y a clairement... Le manga finit sur les quelques paroles qui sont importantes à son début, qui font juste se répéter. T'as l'impression que... C'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais qui est super important au niveau de la thématique, c'est l'arbitraire de la vie. Oui. C'est un autre truc qui est central au récit, du moins dans ses premiers volumes. Les choses se passent, qu'on le veuille ou pas. Oui. Et on compose avec. L'idée de composer avec l'arbitraire de la vie. Chaque personne a ses manières de composer avec. Ça arrête juste pas. Oui. C'est... Le chapitre de conclusion, genre, suggère... que une toute nouvelle saga va s'ouvrir, mais à partir des mêmes éléments. Ouais. Fait que... qu'est-ce que t'en as pensé, le Poun Poun? J'en ai pensé que c'est quelque chose de très ambitieux, qui démontre beaucoup d'empathie. T'as-tu des... Est-ce que tu veux que mentionner des critiques? Ah, écoute... Ou, Il y a des moments d'une certaine grossièreté. Il y a... La façon de dessiner les personnages noirs, ouais, qui est très surprenante parce que à l'occasion, on en croise. Mm-hmm. Ils sont dessinés avec grosse face noire, gros afro, des lèvres blanches, l'élément de blackface là-dedans, mais différent vu qu'on n'est pas en contexte nord-américain. Puis chaque fois qu'un personnage noir apparaît, il y a cet exact même aspect-là. Des fois, ils sont même plusieurs. Exactement, c'est ça. Ça suggère une espèce de... d'inconfort avec ce... C'est peut-être juste un élément... pas nécessairement inconfort, mais juste un élément ludique. Ouais, c'est ça. Qui se trouve à être calqué sur une image raciste. Ouais, c'est ça. C'est curieux. Ben, c'est... Ils ont pas les mêmes visions de la chose. Non, tout là-bas. À fait. J'ai noté une blague transphobe à un certain moment. Il y a des petits moments... On a dit que les scènes sexuelles paraissaient pas trop titillantes, mais il y a des fois, j'étais comme « Ah, tel détail, c'était peut-être pas nécessaire. » Tu sais, c'est vraiment des instants. C'est des détails. À travers quelque chose qui mérite... Qui mérite... ça mérite pas d'être rejeté en raison de ces quelques moments-là. Ou des moments d'un peu de perversion, de voyeurisme, parfois, là. Puis, si j'avais un des reproches que j'aurais à faire, c'est qu'il y a... Dans le milieu du récit, ça devient très verbeux par occasion. C'est-à-dire, il se passe peu d'événements, mais on a aussi beaucoup de cases qui sont simplement des longues cases, des longs dialogues. Et puis, j'avais le goût qu'on enchaîne par moment, là. Et puis sinon, ben... C'est un peu malheureux, mais on a parlé du personnage d'Aiko comme étant tragique. Pour moi, c'est pas une réussite. L'auteur n'a pas réussi à en faire un personnage anti. C'est-à-dire qu'il nous a présenté une jeune fille qui déjà montrait des signes d'anxiété et ainsi de suite dans son enfance, mais en la faisant disparaître si longtemps, et ensuite en la faisant revenir, mais dans des états tellement intenses et ultimement fatales, on n'a pas eu l'occasion de voir cette personne-là dans sa normalité, si on veut, dans son intériorité non plus. On n'y a pas réellement eu accès, au même titre qu'à tous les autres personnages. Puis, de telle sorte que lorsque survient sa mort, je sentais qu'on était à passer à côté de quelque chose et puis qu'on exploitait un peu... C'est un personnage d'une jolie jeune fille. T'sais, elle est dessinée de façon... sont charmantes, c'est ça, on veut... Ah, mais souvent avec le regard triste. Oui, mais un peu idéalisée, dans le fond, comme une princesse. Et puis, j'avais pas l'impression qu'on était allé au fond de ce personnage-là, et que pourtant, il était attendu qu'on la suive dans sa détresse extrême. Mm. Et à la place, on s'est juste attardé à d'autres personnages. Puis, c'est ça, c'est un choix. Ça change pas que ce sur quoi le récit débouche est quand même frappant d'efficacité. Il y a un romantisme tragique qui ressort de ça, qui est pas commun. Ça fait vivre des choses. Puis le fait qu'ultimement, éventuellement, Poun Poun se sorte de toutes ces péripéties-là, pas intact, mais en vie, m'a touché quand même. Voilà. All right. On clôt ça? Ben, je pense bien. Moi, je pense que tu as assez révélé toi-même ton appréciation de l'ensemble de l'œuvre. Oh, ouais. À travers ce qui s'est dit. J'ai pas besoin de donner d'éloges. Je pourrais dire aussi que. Ouais, je trouve ça un peu regrettable d'avoir été obligé de lire ça sur un ordinateur, en fait. Y a des moments où j'aurais aimé avoir l'objet dans les mains et pouvoir prendre le temps de regarder ce qui m'était offert, au lieu de juste défiler, de voir toujours partiellement les pages. C'était vraiment, essentiellement, passer à côté d'un élément, je pense, important de la réception d'une œuvre comme celle-là. C'était nécessaire, parce que avoir 13 volumes, ouais, c'est une grosse amende. Les volumes américains, c'est des volumes omnibus qui contiennent ouais, okay, deux volumes. Mais, je veux dire, le format, il appelle ça les formats tankobon. qui a des petits formats de poche. En fait, je pense pas que ça rend nécessairement justice à ce qu'on pourrait retrouver dans les magazines. Parce que c'est fait, c'est des magazines plus gros format, je pense, au Japon, que c'est publié, c'est chapitre par chapitre, donc 147 chapitres à chaque 2 semaines. Même en format de poche, c'est peut-être pas la meilleure manière de vouloir. La meilleure manière, c'est vraiment juste avoir tous les magazines, puis ouais, c'est ça. Bonne chance. C'est ça, c'est une grosse demande à faire ouais. Pour un auditoire à la fois nord-américain, mais non, t'sais, complètement néophyte, qui a pas envie de se partir une collection de ça nécessairement. Là. J'aurais aimé ça aussi pouvoir le lire plus lentement, potentiellement au fil des années, au fil que ça se publiait. C'était évident que l'élément, parce que on passe à travers tellement de choses, tellement d'années, tellement de périodes, que... Ouais, pis surtout si vous avez écouté le podcast au complet, vous voyez qu'on a sauté, on a parlé de beaucoup de choses, puis on a sauté beaucoup aussi. Toutes sortes de choses. L'auteur lui-même, nécessairement, a ajusté son regard et sa... au gré de son propre cheminement, au fil de la rédaction de ça, puis ça aurait été intéressant de participer à l'Odyssée en temps réel, si on veut, de la suivre à mesure. Parce que j'ai l'impression que c'est une odyssée à travers un véhicule, puis de plusieurs personnages. C'est une sorte, je le comparerais à Boyhood, ouais. Mais beaucoup plus intriguant, et Boyhood, qui est un film de Richard Linklater. Qui se passe sur 12 ans, qui a été filmé en 12 ans. Filmé sur 12 ans, donc on voit la croissance de ces acteurs. Mais comparativement à Boyhood, j'ai trouvé ça beaucoup plus intriguant, beaucoup plus substantiel, puis t'sais, une histoire plus mémorable dans l'ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est ouais. Que je crois pas que l'histoire pourrait se transmettre à un autre médium sans perdre beaucoup de son efficacité. Ouais. Le fait que Poon Poon ne parle jamais directement, puis qu'il parle à travers des cases, c'est quelque chose que tu peux pas nécessairement traduire dans un film ou dans une animation. Non, c'est vrai. C'est quelque chose qui te permet aussi... T'es d'apprécier certaines choses à ton propre rythme. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle chose qui est écrite ou en BD. Mais les distinctions qu'on fait, les déconnexions qu'on peut comprendre face à ce personnage-là et ses pensées, par comment il est placé dans le monde, dans les cases, c'est quelque chose qui est, je pense, indispensable dans l'appréciation ultime de l'œuvre. Oui, je pense que ça fait des choses non seulement inusitées, mais assez incroyables. Importante avec le médium. Il y a un langage graphique assez inoubliable, tu sais, des délires, des visualisations, des états d'esprit. Là. Des hallucinations. Exactement. Ouais. Puis c'est très très mémorable dans l'ensemble. Moi je pense qu'on n'est pas loin d'un chef-d'œuvre. J'avais dit que je voulais pas dire de E, genre. Je vais faire un gros. Tu viens de faire l'ultime E des ouais, E. Ouais, c'est l'ultime E. Mais je pense que. Pour que j'en aie le cœur net, il faudrait que je le lise dans sa langue originale. Mm. Ça arrivera pas avant au moins comme 4-5 ans. Ouais. Attends d'apprendre ça. Ben oui, juste ça. Ouais, juste ça. Mais il y a de quoi dans ce récit-là, dans cette manière d'être présenté, qui est juste affectant. Mm. À un niveau que peu de choses le sont. Je pense aussi, je sais pas si je l'ai mentionné, ouais, je l'ai mentionné, c'est cette capacité à être universelle. Oui, tout à fait. Qui est... Tout en étant très spécifique ouais. À la société japonaise. Dans l'ensemble de ses observations. Ouais. C'est pas mal ça. Il y a sûrement plein de choses que j'aurais voulu dire. Que il reste maintenant à se recommander les choses pour la prochaine édition. Ouais. Mais j'allais juste dire qu'il y a peut-être plein de choses que j'ai voulu dire que je l'ai pas dit. J'ai pas dit parce que c'est super chargé. Nécessairement. Mais si vous l'avez lu, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous l'avez pas lu, je comprends pas pourquoi vous nous avez écouté jusqu'à la fin. Peut-être sûrement pour entendre justement nos recommandations. Ben c'est la raison. Hein? Alors, ma recommandation pour toi pour la prochaine édition, on va rester dans le Japon. C'était pas prévu, c'était comme ça un peu dressé d'avance. Je te recommande le jeu vidéo Nier de 2010, développé par la compagnie Cavia. Alors, je te laisse ça à ta curiosité. Excellent. Moi, je te recommande... En fait, on va... Bon, je sais que on a déjà eu du québécois, entre guillemets. Ouais. Mais là, un vrai film en français, du Québec, un documentaire, La Bête Lumineuse, documentaire nice. De Pierre Perrault. Film que j'ai jamais vu, à ma propre surprise. À la mienne aussi. Ouais. Donc, ce sera peut-être le début d'une enfilade de recommandations québécoises, des essentiels. Ouais, ben après ça, ça va être l'Acadie de l'Acadie. Ouais, c'est ça. Nécessairement. C'est bon. Fait que, merci de nous avoir écoutés si vous l'avez fait jusqu'au bout. Oui. Alors, on se revoit le mois prochain. On... Ça a été toute une odyssée pour nous-mêmes. Ouais. Allez, salut. Au revoir.